jusqu'à tes genoux. Quand y'a rien à rêver, qu'est-ce qu'on risque après tout? T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait le premier pas et y'a eu Mandela après toi. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. T'as fait courir la voie, mais t'as eu ce courage-là. Pour ceux qui dans l'histoire n'ont pas retenu ton nom, non. Tu es la première noire à avoir osé dire non. Parce qu'assise dans un bus semblant fouler ta place avec la peur. Regardez en face. Si tu voyais, Rosa, les routes que tu as faites. Parce qu'un jour tu osas simplement tenir tête. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait le premier. Mais c'est tombé sur toi ce jour-là.